Yeah, warriors. Keep it warriors. Umzomo minente warriors. Rap. Warriors. Why come to the samba job warriors? Rap. Mauritania. Revolution is now or never. Warriors. Keep it warriors. Presidente Pope Fernando con la lady ma. Warriors. Keep it warriors. We mo keep the pouvoir. Keep it the pouvoir. Warriors. Keep it warriors. President de Pope Fernando con la lady ma. Warriors. Keep it warriors. We mo keep the pouvoir. Keep it the pouvoir. Mon peuple a na assez. Mon ten way con film endo. Fondre pouvoir. Mon fauvant chante le code bon. Et chante pas les noms des idées. Pouvoir militaire. Ils n'ont aucun respect pour mon drapeau jaune et vert. Mon peuple a na assez. Change à marque Johnny Johnny. Michelle comme on s'y fait. Le pouvoir au peuple, l'adhésion au peuple. Qui entend tout le temps, moi général pour le camp. Mon peuple en a assez, le petit ou ta vie mon sara. Et ton fils l'a confirmé, t'es vêtant, t'es doumne horda. A la loyale, le goût d'y non, à la paix, le goût d'y goût non. Son goût de peuple, des signes de goût d'un roi de roi non. Quitte le pouvoir, Aziz, quitte le pouvoir. La jeunesse du pays qui ne veut plus de toi. Et quitte le pouvoir, Aziz, quitte le pouvoir. Le système nous désonore tout le temps. Keep it warriors. Presidente Pope Fernando con la lady ma. Warriors. Keep it warriors. We mo keep the pouvoir. Keep the pouvoir. Warriors. Keep it warriors. Presidente Pope Fernando con la lady ma. Warriors. Keep it warriors. We mo keep the pouvoir. Keep the pouvoir. Je refuse ton système minimi jabani. Ou même coqueto tu en dépendant qu'on a free. Ton système nous est stress, rien ne progresse. Injustice en vitesse, focus la cesse. Mon peuple en a assez, faut qu'il soit destitué. Par son geste immature, il a mis mon pays en danger. Donc pas lieu, hey, de tergiverser. Militaire au pouvoir, cette page du droit est tournée. Mon peuple en a assez de ces nègres de service. Qui cisse le système et sème des troubles publics. La rime au rimien, non au traite noir tanien. Vivre digne, mortanien ou mauritan au rien. J'a dit de battre au bandoum, on dja s'il faut rien. Ouais, costume de tchèque, papa mon holly, j'y couchien. Rawan du rebe, pas du boîte, j'y hinda wafe. D'yir ton kandou, molly, sandou, j'ai une de mofe. Warriors, keep it warriors. Président de Pope Fernando, bonne les dimanches. Warriors, keep it warriors. Oui, mon kit le pouvoir, kit le pouvoir. Warriors, keep it warriors. President de Pope Fernando, bonne les dimanches. Warriors, keep it warriors. Oui, mon kit le pouvoir, kit le pouvoir. Je refuse ton système, mi jabani. Comme une côté, je dis en dépendant qu'on a free. Ton système nous est très, rien ne progresse. Et si tu t'en vite, je refuse ton système, il me jabani. Pour me coquer, je dis en dépendant qu'on a free. Ton système nous est très, rien ne progresse.